بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ. Celui qui te hait sera certes sans postérité.